Ou bien ils disent « Il l'a inventé ?» Dis « Si je l'ai inventé, que mon crime retombe sur moi, et je suis innocent de vos criminelles accusations. »